chalance, faremo turba, faremo turba. Une rêle balance, une rêle balance, pour dire la froide. Chaque mot est si lent, chaque mot est si lent, que j'en perds patience, que j'en perds patience. Ou bien en silence, d'un pas chancelant. Elle s'avance et marche en dormant, en dormant. Et elle rit en pâlant, quelle différence de ce tempérament à la pétulance, à la pétulance de celle que j'attends. Quelle différence de ce tempérament à la pétulance de celle que j'attends.